notre deuxième séance du séminaire Genre et classe populaire, qui en fait pour la deuxième année consécutive s'intéresse au rapport de genre et de classe, c'est-à-dire dans les deux sens. Et à plus d'un titre, nous avons souhaité vous convier avant de présenter vos travaux. Donc d'abord, c'était votre formation et votre approche pluridisciplinaire de la littérature, l'histoire, la civilisation et les sciences sociales, qui correspond au souci qu'on a ici en fait de croiser différentes approches pour explorer le monde social. Travailler entre la France et l'Allemagne, entre pays et institutions différentes, entre lesquelles vous créez des liens et des projets, vous allez nous permettre d'enrichir nos approches sur des terrains que nous connaissons moins et qui répondaient à un désir marqué cette année, en fait, d'aller voir hors de notre cadre national. Et à cet égard, le camp de concentration en Allemagne, par exemple, qui était un lieu complètement inexploré pour nous, nous paraissait très pertinent. Mais en fait, ce sont surtout vos approches et vos thèmes de recherche en réfléchissant aux intersections des catégories de genre, de classe et de race, qui est un des axes que l'on a peu étudié ici jusqu'à présent et qui est pourtant un des éléments fondamentaux quand on analyse les rapports de domination et qui correspond en fait aux catégories d'identité que les individus mobilisent et participent à construire dans les actes de la vie quotidienne. En effet, l'analyse de la violence, dont la mise en pratique par des femmes et sur des femmes au sein des camps de concentration et qui a constitué un axe fort de votre recherche, se fait à travers une approche du quotidien afin de saisir ce qui se joue dans les interactions entre individus dans tous les micro-espaces de liberté de tous les jours. Votre thèse soutenue en 2007 portait en effet sur la violence au quotidien des surveillants SS du camp de concentration et d'extermination de Majdanek. Et à la suite des travaux de Lütke, vous interrogez les formes et les pratiques quotidiennes de la violence au plus près des acteurs d'en bas, ceux et surtout celles qui ont exercé directement sur les corps d'autres individus des formes de violence extrêmes. Pour reprendre Lütke qui faisait lui-même référence à De Certeau, votre travail place au centre la pratique sociale des êtres humains, dans des lieux et dans un contexte historique précis, en l'occurrence ici le système concentrationnaire, en prenant en compte les parcours sociaux et les carrières des individus, les représentations qui les façonnent, mais aussi leurs actions très concrètes, vous interrogez cette capacité d'agir, agency, qui est une interrogation en fait, qui nous anime ici, au sein de ce séminaire et de notre groupe de travail, et qui permet en fait de comprendre les ressorts de la violence infligée au sein des camps de concentration. Donc c'est cette approche d'histoire du quotidien, au croisement des catégories et au plus près des pratiques sociales des individus et de leurs représentations, la réflexion autour de la construction de leur identité et de leur agency, qui nous a semblé particulièrement féconde et enrichissante, et c'est pourquoi nous avons le plaisir dès à présent de vous écouter en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'invitation. Sur le programme, je me suis rendu compte que, en fait, je pense que vous pourriez m'apporter beaucoup parce que vous êtes un groupe de travail interdisciplinaire. Il y a des sociologues, il y a des historiennes, des historiens. Et donc, j'ai ancré, en fait, et aussi votre sujet me parle beaucoup, en fait, genre et classe populaire. Et en fait, c'est un des points forts et faibles de mon travail de thèse. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, en fait, j'ai essayé un peu de vous présenter mon travail et puis aussi laisser des questions ouvertes parce qu'on pourrait discuter, j'espère, après. Donc en fait, comme vous avez très bien présenté et saisi, donc en fait je suis historienne du quotidien et en plaçant donc les chefs d'observation sur l'étude d'un camp spécifique, dans mon cas c'est les camps de concentration et d'extermination de Majdanek, où entre automne 1942 et printemps 1944, 28 surveillantes se sont succédées. Et j'ai mis donc l'accent sur les jeux d'acteurs et leurs expériences, leurs pratiques et leurs interactions quotidiennes au camp, donc in situ, comme vous dites. J'aimerais commencer par quelques réflexions méthodologiques. En fait, j'ai fait de l'histoire du quotidien, et donc qui se focalise surtout sur les acteurs et sur leurs pratiques sociales, et s'interroge sur la part active de l'appropriation de ces acteurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, Alf Lütke, il est loin de nier l'influence du cadre institutionnel, mais en développant, donc, en partant de Certeau, mais peut-être en allant beaucoup plus dans une direction d'histoire sociale, il retenait que quand même, si on parle de cadre institutionnel, normalement, on parle des intérêts des dirigeants, et donc des structures qui ont été mises en place par des dirigeants, alors que les acteurs sur place, ils sont certes encadrés par cette structure, ils doivent suivre, ou dans mon cas, elles doivent suivre des ordres. Il ne s'agit pas toujours des personnels haut placés, mais plutôt d'un personnel subalterne. Mais tout de même, ces gens, ils ont une capacité d'agir. Ça veut dire que ces règles ne sont pas appliquées à la lettre, mais toute règle, toute norme est d'abord interprétée par les acteurs. Donc on peut mettre en place, on peut exécuter un ordre de mille manières. Et deuxièmement, il y a toujours le cadre social est co-construit par tous ces acteurs. Donc c'est pas pour nier les hiérarchies. Et nous, donc je suis très consciente qu'il y a des asymétries, il y a un champ de pouvoir qui est très complexe, mais j'essaie de placer les surveillantes dans ce champ pour pouvoir justement comment elles évoluent dans l'espace concentrationnaire et quelle est leur part active dans cette violence, parce que donc, moi c'était la question de la violence physique qui m'intéressait. Donc en fait cela permet donc de poser la question de l'idéologie d'un autre point de vue ou d'un autre angle, c'est-à-dire non seulement on parle moi de l'idéologie étant quelque chose imposé par le haut, mais l'idéologie qui se concrétise dans les pratiques sociales sur place. Donc, et dans mon cas, je dirais que vous allez voir, les surveillantes, c'est pas une population très politisée, c'est plutôt dans le système concentrationnaire que je peux supposer, parce que j'ai pas de preuves, que en fait l'idéologie national-socialiste prend sens. Donc en fait, le quotidien, et je pense que vous avez fait référence à Desserteaux, donc il faut pas le faire, pour lutte, que c'est très important qu'il ne faut pas le comprendre comme une routine, comme par exemple très souvent en sociologie, c'est la pure routine. Pour lui, il se penche plutôt avec, notamment avec les concepts d'appropriation, donc an Eignung et sens de soi ou quant à soi, qui serait le Eigensinn. Donc il se réfère plutôt à Marx et Engels. Et il conçoit donc le quotidien comme un espace, comme une réalité vécue qui est constamment interprétée et mise en scène par les acteurs à toute échelle. Donc en quelque sorte, c'est très compatible avec la conception de pouvoir de Foucault et champ de pouvoir, parce qu'on a donc un espace qui est à l'abri du pouvoir n'existe pas, mais c'est-à-dire le champ de pouvoir, c'est quelque chose qui met les acteurs en relation et qui est créé et élargi constamment par les acteurs. Donc c'est pas quelque chose de figé, mais c'est quelque chose donc qui prend sens uniquement en acte et qui est constamment transformé. Donc je pense que c'est très important, surtout pour l'histoire de la Shoah et du génocide et des camps, parce que très souvent, si j'ai une approche très factuelle, je ne vais pas tenir compte de cette évolution à l'échelle micro. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un ordre, mais ces ordres sont aussi élargis d'en bas ou contestés. Donc en fait, voilà, donc c'est important. Donc en fait, mes points de départ, c'était, donc les travaux de Lütke m'ont aussi permis de parce que Lütke a trop beaucoup travaillé sur l'usine, et sur les travailleurs d'usine, donc il a fait vraiment un travail de longue durée, c'est-à-dire fin 19e jusqu'au milieu du 20e, et puis il a aussi travaillé beaucoup sur les ouvriers d'usine en RDA, donc en fait, il a vraiment une approche longue durée. Et donc les travaux de Lütke m'ont permis aussi de voir dès le début le camp de concentration comme un site professionnel, un univers professionnel. Donc je pense que ça c'était assez, maintenant ce n'est plus nouveau, mais au début des années 2000 c'était quand même quelque chose d'assez nouveau ou novateur, parce que en fait l'historiographie sur les exécuteurs de la violence est très fortement lié à la juridiction. Et donc, en fait, les approches jusqu'à très récemment étaient plutôt de voir si quelqu'un était coupable ou pas. Donc ça, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Donc je ne porte pas de jugement. Et mon but, ce n'était pas de prouver que telle et telle surveillante avait commis tel et tel crime. Donc pour moi, c'était plutôt de saisir les interactions sur place et comprendre la violence. Parce que pour moi, la violence était une pratique sociale. Et aussi, ce qui était très important, pour moi, la violence, ce n'était pas seulement uniquement une communication entre bourreaux, entre guillemets, et victimes, mais aussi la violence s'adressait aussi aux autres SS. Et donc ça aussi, c'était quelque chose, en fait, c'est assez simple, si on lit Foucault, en fait, ce n'est pas non plus une invention, en fait, ou la découverte, de l'Amérique, mais en fait ça n'a jamais été appliqué pour les gardiens de camp. Donc en fait je voulais savoir tout d'abord comment se faisait la distribution du travail selon le sexe, parce qu'en fait mon étude portait sur les surveillantes SS, mais la grande majorité des gardiens c'était des hommes. Donc, quel était précisément le rôle des femmes dans le processus de destruction? Une question très importante parce que, comme vous savez peut-être, dans les années 50 en Israël et puis 60-70 surtout en Europe, il y avait tout un fantasme sur en fait, une sursexualisation des surveillantes et en fait, des films érotiques, des écrits, etc. Donc en fait, c'était quand même important aussi de saisir cette population. Et puis aussi les surveillantes, la question qui m'était adressée tout le temps, vu que les gens avaient vraiment soit lu des témoignages de rescapés ou de survivantes, soit ils avaient vu ce film. Donc la question c'était, est-ce que les femmes sont plus violentes que les hommes, etc. Donc en fait, dans mon travail sur la violence physique des surveillantes, je me suis donc beaucoup concentrée sur les surveillantes, mais je ne pouvais pas laisser de côté leurs homologues hommes. Donc évidemment, en fait, à Majdanek, j'avais j'ai mentionné en totalité 28 surveillantes qui sont passées par ce camp, avec 1200 hommes. Donc évidemment, j'essaierai encore là à faire un test si j'avais vraiment considérer à fond tous ces 1200. Donc j'ai plutôt choisi quelques exemples où je voyais qu'il y avait une interaction avec les femmes, mais je ne peux pas dire que j'ai une notion ça serait une thèse à part et en fait une étude très importante sur les hommes, simples hommes SS, parce que là aussi on a genre et classe populaire, ça prend aussi sur les hommes, parce qu'il y a beaucoup de recherches sur les hauts fonctionnaires SS, très peu sur les simples hommes SS. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire une femme issue d'un milieu plus populaire comme les surveillantes violentes, elle est intéressante, alors qu'un homme SS, un simple grade, il n'est pas intéressant parce que c'est juste Germaine Tillon, c'est juste un pauvre mec, en fait, c'est en fait cette classe. Et je pense que là aussi, c'est quelque chose de très genré dans la manière dans laquelle la recherche s'y prend à ces sujets. Donc en fait, dans mon article en ligne, dans l'encyclopédie des violences de masse, j'ai comparé deux exemples. Donc, en fait, Hermine Braunsteiner, qui est viennoise, donc née à Vienne en 1919, et Hertha Ehlert, qui est berlinoise, née en 1905. Et donc, j'ai comparé ces deux trajectoires, et j'ai porté beaucoup plus attention sur leurs actes de violence physique. Aujourd'hui, pour une fois, je vais laisser de côté la violence physique et je vais plutôt me concentrer sur leur origine sociale et sur leur parcours dans le système concentrationnaire. Donc en fait, donc toutes ces deux surveillantes sont parmi les premières à arriver dans le système concentrationnaire, donc en printemps-été 1939. Et c'est intéressant parce que les deux sont restées jusqu'à la fin. Donc en fait, elles ont fait une carrière de 5 ans à peu près dans les camps, dans le système concentrationnaire. Et pour les femmes, c'était le maximum qu'on pouvait faire. Donc, c'est des exemples aussi. En fait, sur certaines surveillantes, j'ai très peu d'informations, alors que sur les deux, il y en a assez de documentation. Donc aujourd'hui, j'aimerais donc revenir porter un regard critique sur la question de genre et classe populaire pour essayer de saisir d'abord la complexité sociale au sein du camp de concentration pour les SS. Donc je parle très peu de fait, les survivants et les prisonnières sont présentes, mais ma focale c'est les surveillantes SS. J'aimerais aussi donc essayer de saisir les appropriations individuelles et collectives des règlements et des normes sociales et politiques au sein du camp. Et troisièmement, l'articulation de l'intersection des catégories d'analyse race, classe et genre. Et évidemment, quand on se place dans le cadre colonial ou nazi, la catégorie des races prime sur toutes les autres. En fait, et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on voit que les femmes qui, dans une société conventionnelle, auront plutôt un rôle subalterne, sont catapultées et vis-à-vis des personnes jugées des races inférieures, des juifs, des polonais, mais aussi des russes, elles ont une position de pouvoir. Donc c'est très intéressant. Voilà. Donc les archives, pour moi deux archives étaient particulièrement importantes. Donc c'est d'abord le procès de Majdanek à Düsseldorf, donc il a eu lieu de 1975 à 1981. C'est un procès, c'est le dernier grand procès contre un groupe de personnel de camp. Son importance est comparable à celui du procès d'Auschwitz qui a eu lieu dans les années 60. Et en fait, il y a vraiment les deux magistrats, c'était des jeunes juristes qui à l'époque, dans les années 75, ils avaient 40 ans. Et donc ils étaient très très investis et très très engagés. Et je pense que c'était vraiment un tournant de paradigme parce que ces deux magistrats, ils ont vraiment eu une relation très très étroite avec les survivants qui venaient de Pologne, de l'Israël, des États-Unis à témoigner. Et donc ce procès a mobilisé 350 de témoins, dont 100 SS, anciens SS, et 250 d'anciens prisonniers, donc des survivants. Et le résultat, donc il y avait en total 16 personnes accusées, donc on a 11 hommes SS et 5 femmes, 5 anciennes gardiennes des camps. Et le résultat, en fait, le jugement a été très décevant, évidemment, parce que pour la juridiction allemande, il fallait vraiment prouver chaque acte de violence et c'était évidemment presque impossible après tant d'années, donc plus que 30 ans. Mais néanmoins, ce procès, il a vraiment constitué une riche fond d'archives et moi j'étais très heureux, en fait, j'avais de la chance parce qu'au début des années 2000, ce procès avait été accessible aux chercheurs. Donc en fait, j'ai travaillé avec ce procès. Et puis aussi, je suis une grande fan, on peut dire, des sources administratives du camp. Donc c'est évidemment des documents produits par l'administration des camps, donc des documents qui ont un certain langage codé, il y a des omissions, il y a des euphémismes, certes, mais c'est aussi une source très riche, je trouve, si on la combine avec d'autres. Donc en fait, évidemment, je ne pourrais pas, les historiens de la Shoah ont beaucoup regardé ces sources Et en voulant trouver des preuves pour les gazages, pour les meurtres de masse, etc. Et là, évidemment, ces sources ne sont pas très, très riches parce qu'il y a très peu de traces écrites du meurtre, du génocide. Mais tout ce qui est donc la gestion de la vie sociale du camp, en fait, ça n'intéressait pas trop les historiens de la Shoah, mais c'est une source très riche. Donc évidemment, elle n'est pas complète, elle est fragmentaire et tout. Mais j'ai quelques traces comment la vie au camp s'est passée. Donc je vais en revenir. Donc troisièmement, évidemment, les sources, les témoignages ou les récits autobiographiques des survivants sont importants pour moi aussi. Mais peut-être moins que... Ce que j'ai trouvé très intéressant dans le procès de Maïdanek, qu'un procès donne la parole aux gens qui ne sont pas très articulés. Alors que qui va écrire un récit, un témoignage? C'est quelqu'un qui pense que sa parole a de la valeur et qui est capable d'en faire, capable, qui a des ressources financières, des ressources de temps. Parce que si je suis ouvrier à l'usine, peut-être je ne vais pas me mettre chaque soir à rédiger mes mémoires. Les procès de Maïdanek, c'était vraiment des témoignages des gens traduits en allemand, évidemment, qui jusqu'à maintenant n'avaient pas pris parole. Et donc, c'est en quelque sorte une source plus démocratique, parce que le problème de la recherche sur les camps de concentration, elle est quand même très orientée par la vision des prisonniers politiques, germanophones ou pas. Et c'est une perspective très unidimensionnelle, c'est très bourgeois, ou très communiste, ou très, en tout cas, syndicalisé, mais ça laisse de côté toutes les appartenances multiples qui sont moins évidentes et donc Primo Levi, il en a parlé dans Les naufragés, en disant que le prisonnier commun ou le prisonnier normal, il n'a pas pris parole, et c'est vrai. Donc en fait, j'utilise des témoignages des survivants, mais je les contextualise aussi et je les déconstruis. Donc en fait, revenons donc aux surveillantes. Les surveillantes SS, donc engagées dans les camps de concentration, il s'agit donc de femmes qui pénètrent le monde concentrationnaire uniquement à partir de mai 1939. Pourquoi mai 1939? Parce qu'en mai 1939, Heinrich Himmler, il avait décidé de construire un camp central pour femmes près de Berlin, donc à Ravensbrück, qui est donc à 80 km de Berlin. Et comme tous les camps, l'emplacement est très agréable, c'est au bord d'un lac, c'est une ville plutôt de vacances. Et si vous allez regarder les camps, ça vaut peut-être moins pour les camps à l'est, pour Maïdanek ça vaut pas, mais Auschwitz en partie. Mais tous les camps sont situés dans des endroits assez agréables. Donc il y a normalement des bois, il y a des lacs. Et je pense que quand même l'administration centrale à Berlin a quand même fait attention de placer ces endroits dans des lieux stratégiques, c'est-à-dire ça devait être des lieux qui sont à la fois un peu cachés par la nature, mais bien accessibles par le train, mais aussi agréables à vivre. Pour qui? Pour les employés. Donc c'est intéressant de constater ça, et il faudra vraiment faire une étude plus exhaustive sur ça. Il y avait des prisons ou des camps de concentration pour femmes avant, qui ne s'appelaient pas comme ça. Il y avait les camps de Moringen et Lichtenburg, donc 1933 à 37 et 37 à 39. Mais ce n'était pas des camps proprement dits, c'est-à-dire c'était plutôt une solution intérim, parce qu'on ne voulait surtout pas incarcérer les femmes avec les hommes. Et donc on a choisi ces deux anciennes prisons pour incarcérer des femmes, mais de toute façon, jusqu'en 1939, il y avait assez peu de femmes incarcérées. Et c'était plutôt des femmes jugées comme asociales. Donc là aussi, une catégorie socio-raciale très, très agressive dans en Allemagne nazie. Et les surveillantes, ce fut des femmes, soit des femmes engagées dans la Ligue des femmes, comment ça s'appelle, la Ligue des femmes nationales socialistes, NS Frauenschaft, ou bien des gardiennes de prison professionnelles. Et puis, créée donc en mai 1939, à Ravensbrück, donc cet camp central pour femmes. Avec cela, Himmler voulait vraiment institutionnaliser non seulement un camp de concentration pour femmes, mais aussi des employés. Donc, dans la terminologie officielle, les surveillantes s'appelaient cortège féminin de la Waffen-SS, donc weibliches Gefolge der Waffen-SS. Donc, c'est vraiment un terme très ambigu et qui est très révélateur parce que, au fond, c'est des employés civils des Waffen-SS. Donc, la Waffen-SS, c'est une organisation paramilitaire. Et en fait, désignation ou ce terme est révélateur. Pourquoi? Parce que il montre bien l'ambivalence ou la position très ambivalente des surveillantes, parce que en tant qu'employée civile au sein d'une organisation paramilitaire, donc au Reich, elles avaient le statut d'employée du Reich et elles relevaient aussi de la juridiction SS. Mais elles faisaient pas partie du clan SS, c'est-à-dire elles n'étaient pas comme les épouses des SS et les filles ou les filles des SS part de cette SS Sippschaft, donc ce clan racial, et elles avaient vraiment un statut intermédiaire. Donc en fait et elles étaient subalternes parce que en fait elles avaient donc le rang des simples hommes SS et une surveillante de camp pouvait pas faire devenir par exemple commandant de camp. On pouvait devenir surveillante en chef, mais ça veut dire on avait juste c'était donc le premier rang parmi les surveillantes, mais on pouvait pas accéder plus haut. Donc, mais cependant, leur attribuer un statut de subordonné ne rend pas totalement compte de la réalité historique. Aujourd'hui, je vais en parler à plusieurs reprises. Donc, pour le travail des surveillantes, la SS recrutait donc des femmes âgées entre 21 et 45 ans, des préférences célibataires, très important, et sans profondation précise. Et je pense que, je vais en revenir, mais c'est très important parce qu'on voit bien que c'est assez, il y a une logique de recrutement derrière que pour moi je la vois quand même comme un des critères très aussi socio-racial. Le travail était annoncé comme facile et bien rémunéré. Là aussi, je vais y revenir. Donc, en fait, jusqu'à la fin de 1941, Ravensbrück, près de Berlin, reste le seul camp pour prisonniers femmes. Et puis, avec l'opération Barbarossa, donc l'invasion en Union soviétique en juin 1941, et l'expansion vers l'Est, une population plus grande de femmes juives, polonaises et russes était incarcérée et cela nécessitait de plus en plus un personnel de garde. Et donc on voit que jusqu'à la fin de la guerre, donc en total il y avait 13 camps féminins ouverts. Ce qui reste quand même important à souligner, c'est que Ravensbrück, ça sera le seul camp exclusivement pour femmes, même si à l'intérieur il existait un camp pour hommes, mais je veux dire, à Ravensbrück, les femmes étaient vraiment en majorité, les détenues femmes, mais aussi les surveillantes, Alors que dans tous les autres camps, si je parle par exemple des camps de femmes à Majdanek, ça veut dire qu'à l'intérieur du camp d'hommes, à Auschwitz pareil, il y a une section réservée aux femmes. Donc en fait, du point de vue pour les prisonnières, mais aussi pour les surveillantes, c'est une autre réalité quotidienne, parce qu'elles doivent beaucoup plus interagir avec les hommes. Voilà, donc en fait, on ne peut pas estimer exactement le chiffre exact, on n'a pas de statistiques, on ne sait pas combien de femmes surveillantes ont été embauchées dans le système concentrationnaire, mais on a une statistique qui date de janvier 1945, et là, cette statistique retient 3508 surveillantes, et 37 674 hommes SS. Donc en fait, évidemment, ça ne tient pas compte des fluctuations, mais je pense que les ratios sont assez vraisemblables, c'est-à-dire on a au sein des camps de concentration, on a une minorité féminine, je parle maintenant du personnel de garde, et une majorité écrasante d'hommes. Donc en fait, je vous ai donné les chiffres pour Majdanek, c'est 28 surveillantes qui passent dans les camps, donc il n'y avait jamais plus que 17-18 sur place, avec 900 à 1200 hommes. Donc, je pense que c'est aussi, c'est-à-dire ça ne vaut pas pour Ravensbrück, mais pour tous les autres camps, il faut le tenir en compte. Donc, si on regarde maintenant comment on devient une surveillante. Donc en fait, là j'ai Hermine Braunstein, donc c'est cette femme donc, ici à droite. Donc elle est née à Vienne en 1919. Et donc elle vient de ce qu'on pourrait qualifier un milieu populaire, c'est-à-dire elle est le septième enfant d'une famille, donc sa mère elle travaillait juste comme quand elle lavait les linges, et son père était embauché dans une brasserie, donc brasserie dans le sens une usine de bière, où il était chauffeur. D'abord, il conduisait un chariot en fait, avec les chevaux, et après, une voiture. Donc, en fait, j'ai beaucoup de témoignages parce qu'elle a été interrogée à plusieurs reprises par les autorités autrichiennes et allemandes. Donc, je sais plus ou moins bien sur son parcours. Donc, en fait, née à Vienne en 1919, elle vit avec sa famille donc dans un appartement, donc ils sont en fait sept enfants et deux parents, donc ils vivent en fait les plus âgés ils sont déjà partis, mais ils ont un appartement de trois pièces, petit appartement, et donc quand elle est donc en 1936 quand elle a 15 ans, elle doit quitter l'école, donc elle a pas fait donc plus que l'école obligatoire, donc c'est 8 ans d'école obligatoire. Et même si elle voulait faire une formation, elle pouvait pas se le permettre parce que la famille pouvait pas payer une formation. Donc en fait, elle devenait femme de chambre. Et c'était en fait donc et plus tard ouvrière non spécialisée, donc en fait elle avait donc pas beaucoup de choix, mais malgré cela on voit une volonté de sortir de son milieu et de faire quelque chose de sa vie, parce que par exemple en 1936 elle quitte le pays et elle va aller à Londres pour travailler comme gouvernante ou comme femme de chambre auprès d'une famille américaine. Et en fait, c'est là où elle va apprendre l'anglais. Et en fait, après, quand en 1938, l'Autriche est donc annexée au Reich, elle rentre en Autriche par peur qu'il y ait une guerre qui se déclenche et qu'elle sera internée en tant que autrichienne. Donc, rentrée à Vienne, elle, elle travaille dans une usine, donc elle travaille dans la dans cette en fait dans cette industrie de fait cette usine de bière, et elle déteste son travail parce que les heures sont longues, le travail est très monotone. Et puis elle se porte volontaire pour un convoi qui est envoyé en Allemagne pour travailler dans l'industrie d'armement. Donc en fait elle débarque donc en Allemagne encore en été 1938. Et là, elle travaille dans une usine d'armement. Elle travaille et elle est payée 64 Reichsmark par mois net. Donc, duquel il fallait encore enlever de l'argent pour le logement, pour la nourriture, etc. Donc, c'était vraiment un salaire très, très précaire. Et puis aussi un travail assez monotone et assez... avec des heures de travail assez importantes. Et donc, elle sous-loue une chambre près d'un policier, chez un policier, qui lui apprend que près de Berlin, on va installer un camp de concentration et qu'il y aura un moyen de... En fait, il cherche du personnel. Et c'est à ce moment-là, il y a juste un an passé, donc elle s'est engagée pour un an, donc elle peut partir de son travail dans l'industrie d'armement. Et elle va se porter volontaire elle va candidater pour un poste de surveillant. Donc en fait, on peut pas dire que elle a été. Donc je trouve que c'est très intéressant parce qu'elle est autrichienne, donc elle n'a pas été endoctrinée par la Ligue des jeunes filles, etc. Donc et elle n'est pas membre du parti nazi. On peut pas dire que ce fut un choix politique. C'était plutôt une manière ou une occasion à saisir. En fait, elle saisissait une occasion de partir d'un travail qu'elle détestait et pour avoir un revenu plus important, une position plus sûre et un travail qui était quand même, qui était quand même annoncé comme un travail intéressant. Donc. Sa collègue Hertha Eland, elle était vendeuse, donc elle est plus âgée, elle est née en 1905, et puis elle dirigeait un magasin, une filiale d'un magasin, et on ne sait pas pourquoi elle s'est portée volontaire pour être surveillante. C'est un peu, son cas me semble un peu, il y a des questions ouvertes parce que elle dit qu'elle a été sollicitée par l'agence de l'emploi et puis elle a accepté d'y aller. Mais autant que je peux comprendre le choix de Hermine Braunstein, parce que en fait, c'est une ascension sociale, pour Hertha Eland, je ne comprends pas. Donc, tous les deux sont donc issus des milieux populaires. Et en fait, je pense que de la part de la SS, c'était très malin de focaliser sur les femmes qui n'ont aucune formation. Donc parce que dans l'annonce, c'était écrit qu'il ne fallait surtout pas avoir une formation, il ne fallait pas avoir beaucoup de diplômes. Néanmoins, il fallait quand même être alphabétisé. Donc je me réfère ici au liseur, où cet exemple est un peut-être... C'est pour une surveillante recrutée en 44 peut-être, mais pas pour une surveillante recrutée en 39, parce qu'il fallait quand même être scolarisée, avoir un minimum d'éducation. Ces femmes obtenaient un statut d'employé du Reich avec un salaire fixe établi selon les grilles de la fonction publique du Reich, donc ce qui était quand même considérable. Une surveillante gagnait en moyenne 185 Reichsmark par mois. Il fallait encore déduire la cotisation de sécurité sociale, les impôts, la nourriture. Mais à la fin, comme revenu net, il restait quand même 105 Reichsmark. Et si j'ai dit avant Braunstein, elle gagnait 64 Reichsmark, duquel elle devait encore déduire le logement, etc. Là, elle gagne 105 Reichsmark net et elle est logée, elle est nourrie, elle a des habits, etc. Donc quand même, c'est une avance. un avancement. Et puis aussi, à titre de comparaison, une employée célibataire dans l'industrie du textile en 1944 avait un salaire mensuel d'environ 76 Reichmark, donc aussi pas très bon. Et par contre, Gudrun Schwarz, elle a fait des recherches et elle a, à titre de comparaison, elle a trouvé qu'une employée de bureau à 19 ans, donc une secrétaire en quelque sorte, gagnait 170 Reichmark. Donc en fait, évidemment, si on a une formation des sténographes, secrétaires, etc., le travail des surveillantes n'est pas très intéressant. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, vu qu'il y avait toujours une pénurie de personnel, la SS discutait aussi si on pouvait recruter peut-être les épouses des SS, et Himmler était strictement contre. Donc je pense qu'il y a un regard quand même socio-raciste, c'est-à-dire on ne voulait surtout pas les femmes, les épouses des SS, on ne voulait pas non plus des femmes bourgeoises et les femmes trop éduquées. Donc en fait, en quelque sorte, on prend quand même les femmes qui sont à la marge de la société ou qui viennent des milieux précaires et prolétaires. Et donc pour ces genres de femmes, surtout pour les jeunes femmes, c'était donc un salaire de surveillante était donc très intéressant, et il ne faut pas non plus donc sous-estimer que c'était une manière de sortir de chez soi, c'est-à-dire les femmes, vous le savez mieux que moi, les femmes populaires, elles doivent très souvent rester vivre avec leurs parents parce que en fait, se permettre un loyer, c'est assez cher. Donc si en tant que surveillante, on peut avoir son propre chez soi et quitter la famille, et je pense que pour ça pouvait aussi être une vraie attraction. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, et c'est un collègue à moi qui a fait une étude sur Neuengamme, donc Marc Kugeln, qui a remarqué que les surveillantes, qui sont à l'échelle très comparable aux simples hommes SS, gagnent plus que les hommes. Parce qu'un homme célibataire SS au grade le plus bas, le Rottenführer, lui, il gagne uniquement 80 marks. Reichmark. Donc en fait, 105 pour les surveillants, 80 pour les hommes. On voit très bien qu'en fait, le régime voulait aussi rendre ce travail attirant pour les surveillantes. Et on peut imaginer aussi que ça peut créer des conflits au sein du personnel SS. Voilà, donc en fait la majorité des femmes étaient donc pour Majdanek des chômeuses ou des femmes donc qui étaient mécontentes avec leur travail parce que la plupart étaient femmes de chambre ou domestiques ou ouvrières d'usine. Et donc je souligne que je pense pour aucune, en tout cas dans mon groupe, c'était nécessairement un choix politique. Même, on est d'accord, c'est au fond un choix politique, mais ce n'était pas forcément motivé par l'idéologie, mais vraiment plutôt par l'ascension, par la possibilité d'ascension sociale et par une perspective d'une vie confortable. Il y avait trois modes de recrutement. Il y avait, dans une première période, donc, il y avait le mode de 39 à 40 des candidatures spontanées, c'est-à-dire comme Braunsteiner et Ehlert, les femmes qui candidataient de leur libre gré. Après, à partir de 1940, quand la SS avait de plus en plus besoin de femmes gardiennes, il y avait aussi des recrutements par le biais de l'agence publique de l'emploi, c'est-à-dire si une femme était au chômage, ça pouvait arriver que l'agence d'emploi lui offrait un poste au camp. Alors la grande question dans la recherche, c'est est-ce qu'on pouvait refuser ou non? Je pense que finalement, oui, on pouvait refuser, mais en fait, on ne pouvait pas refuser 10 fois. Parce qu'à ce moment-là, on risque d'être catégorisé comme quelqu'un qui refuse de travailler, donc comme asocial, donc on est envoyé dans les camps. Donc en fait, ça pouvait arriver, et là, on a vraiment le grand problème que les archives de l'Agence publique pour l'emploi n'existent plus. En fait, à Vienne, une fois, j'ai appelé et à l'archive, ils m'ont dit « Oui, c'est dans les sacs et c'est atteint des champignons, mais vous pouvez bien venir regarder. » Donc j'ai dit « Ben quand même, non, parce que si ce n'est pas répertorié, je passe toute une vie là. » Mais en fait, finalement, on a très peu de... Il y a quelques études, mais on ne sait pas... C'est-à-dire, moi je pense qu'on pouvait refuser, mais il faut prendre aussi au sérieux, en fait... Une femme, si elle avait déjà refusé 6 fois un travail, la 7e fois, il faut le prendre, parce que après, on risque quand même d'être de rentrer dans les grilles de persécution du régime. Et donc, à partir de 1942-43, avec la grande expansion du système concentrationnaire, il y a des campagnes de recrutement des SS dans les usines. C'est-à-dire, les SS, ils vont dans les usines d'armement où il y a des prisonniers de camps qui travaillent déjà, qui sont déjà forcés à à travailler. Et on essaye de persuader les ouvrières à changer et à se faire affecter comme embaucher comme surveillante. Et donc là, on voit une véritable campagne publicitaire. Donc en fait, je trouve que le cas d'une autre surveillante est très intéressant, c'est... c'est Hildegard Lechert, donc c'est une surveillante, elle aussi, elle est née en 1920 comme Braunstein, donc née à Berlin. Et elle est intéressante parce que donc elle aussi, elle a donc 8 années d'école primaire obligatoire. Après, elle fait une formation de couturière qu'elle abandonne, donc son certificat. Elle fait une année de travail fait le Arbeitsdienst, et après elle travaille dans les usines, et puis 1939, donc à 19 ans, elle a un fils elle est donc mère célibataire, et en 1941 elle aura un deuxième enfant avec un autre homme. Donc déjà, en fait, autant que la politique nationale-socialiste est assez progressive, entre guillemets, mais on peut dire progressive, pour tout ce qui est procréation, si en fait, des femmes allemandes, et en fait, il n'y a aucun problème d'avoir un enfant célibataire, ou même extra-conjugal. Donc il y a les Lebensborn, sont des institutions, c'est vraiment une politique sociale qui essaye de soutenir ces femmes. Mais bon, si on a 2 ou 3 enfants de différents pères et on est d'un milieu populaire, en fait, on n'a aucune formation, là, on risque à nouveau d'être classifié comme asocial. Donc, en fait, et je trouve que Lechert, elle est très intéressante parce que, donc, elle a un deuxième enfant en avril 41 et en mars 42, elle est recrutée comme surveillante à Ravensbrück. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va laisser son fils aîné à sa mère et puis elle va amener son petit bébé au camp parce qu'il y a un jardin d'enfants pour les employés. Donc cet enfant va tomber malade, donc la fille va tomber malade et elle va la renvoyer chez sa mère. Mais c'est intéressant aussi de savoir que la SS donc, crée un espace où les femmes peuvent, c'est pas l'idéal, mais elles peuvent aussi amener leurs enfants c'est toute une infrastructure sociale pour permettre à ces femmes à se sentir bien et à vraiment adhérer au système et à travailler dans le camp. Donc il faut voir, je pense, jusqu'à 1943 que pour ces femmes, c'était vraiment une vraie option. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas me dénigrer. En fait, c'est-à-dire... pour ces individus, pour ces femmes, on ne savait pas encore comment la guerre va se terminer. Dans beaucoup d'égards, le régime nazi était assez moderne. Donc ça permettait justement pour les Autrichiens de rompre avec, avec l'État austro-fasciste qui était ultra-catholique. Pour des femmes célibataires, c'était aussi une possibilité d'avoir des fonctions d'assez grandes responsabilités dans les territoires occupés de l'Est, etc. Donc en fait, ce régime offrait une vraie perspective, je dirais même des niches d'émancipation pour les femmes. Et donc, on ne peut pas comprendre l'histoire si on la regarde uniquement à partir de 1945 et de la défaite et du génocide, parce que les acteurs à l'époque voyaient plutôt la marche triomphale du nazisme et ne se faisaient pas trop de scrupules de la nature du travail. Donc c'était plutôt pour les femmes qui étaient donc envoyées à l'Est comme colonisatrice, c'était contribuer à la construction et à la conquête d'un nouvel espace. Et pour les surveillantes, c'était pour la grande majorité, les camps de concentration ne posaient pas trop de problèmes parce que pour elles, c'était comme des prisons, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine légitimité parce qu'on considérait que dans les camps de concentration étaient incarcérés, en tout cas jusqu'à 1939, des opposantes politiques, des femmes catégorisées criminelles ou asociales, prostituées, etc. Donc en fait, dans la logique de ces actrices, ça ne posait pas tant de problèmes. Évidemment, si les femmes qui étaient recrutées en 1943, où on a quand même déjà beaucoup plus de l'information sur le système concentrationnaire, là, évidemment. Mais je pense que les acteurs pensaient plutôt aux propres avantages et ne se posaient pas trop de questions sur l'impact de leur travail. Donc en fait, comment fait d'un groupe assez hétérogène un cortège civil de la Waffen-SS qui se veut quand même en fait un certain prestige, ça, c'est quand même une partie sous-groupe de la SS. Et en fait, je pense que... Donc moi, j'ai recouru à un concept de Michael Pollack, l'expérience concentrationnaire, qu'il a développé pour des prisonnières et survivantes des camps de concentration, en disant qu'en fait, il a saisi leur processus d'adaptation au système concentrationnaire et leur combat de survie. On est tous d'accord que pour les surveillantes, il ne s'agit pas du tout d'un combat de survie, mais néanmoins, elles aussi, elles doivent s'adapter dans cette société paramilitaire, elles doivent aussi s'habituer à une vie casernée. Et je pensais que c'était intéressant d'y prêter de attention. Donc, en fait, on a l'ethnologue Tillon, qui nous a fait un témoignage, je trouve extrêmement intéressant, en décrivant justement cette transformation de surveillante fraîchement embauchée, qui était encore très maladroite dans leur uniforme et savait pas, certaines aussi s'excuser auprès des prisonnières quand elle est coignée par hasard. Et puis, dans quelques semaines, elle devenait des femmes qui avaient une certaine posture, qui savaient donner des ordres, qui étaient capables d'être physiquement agressifs. Et donc, en fait, on doit quand même se poser la question... Je passe. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces premières semaines? Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui transforme ces bonnes femmes, entre guillemets, comme certaines survivantes bourgeoises vont les appeler, en surveillantes? Et je pense que là, il y a surtout l'expérience du pouvoir à travers l'architecture et l'uniforme à suivre. C'est-à-dire, les camps étaient donc un lieu d'habitation et de travail. Et donc son architecture exprime aussi une volonté de discipliner le personnel. Et je suis là, Foucault, qui explique que la discipline est une technique d'organiser les gens dans l'espace et dans le temps, et que les institutions comme les couvents, comme l'internat, la manufacture, l'usine, la caserne, l'hôpital et aussi le camp de concentration ont les mêmes techniques minutieuses qui ont une apparence très innocente, mais qui n'ont rien perdu de leur puissance et sont très élégants. Pourquoi ? Parce qu'ils vont, sans que les acteurs ou les actrices se rendent compte, ils vont viser à optimiser leur efficacité de travail et à neutraliser tous les effets de contre-pouvoir ou de sens de soi, pour parler avec Alf Lütke. Donc en fait, à Ravensbrück, vous avez par exemple les maisons pour les surveillantes. Donc il y a 8 maisons placées d'une manière très monumentale. Aujourd'hui, en fait, si vous voulez visiter le camp, vous pouvez même y loger parce qu'il y a des workshops. Oui, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Parce qu'en fait, ils ont fait des travaux, mais là, il y a un centre de rencontre, quand ils font par exemple des workshops et ça. Et à l'époque, il y avait une visite archéologique et ils ont aussi une exposition sur les surveillantes et ils ont laissé une maison telle quelle. Donc en fait, ils ont collaboré avec des architectes et des archéologues. Et on peut vraiment se représenter cet univers de vie ou de ces surveillantes. Et c'est extrêmement intéressant parce que je me suis rendu compte, donc en fait, les appartements mesuraient entre 25 et 30 mètres carrés. Ils comprenaient une chambre, une pièce de vie, un placard aménagé, un lavabo. Donc en fait, la salle de bain et les toilettes étaient sur le couloir. Mais il y avait, je pense, dans chaque maison, vous avez 14 surveillantes qui logent, donc en fait, je pense 5 par étage. Et donc, si on se souvient que Hermine Bronstein a vécu en 7 personnes dans 3 pièces, petites pièces, ça c'est un vrai confort de vie. Et aussi pour l'époque, faites l'architecture, etc., tout était moderne. Pour l'époque, c'était vraiment avoir une pièce de vie, en fait un lavabo, tout ça. C'était extrêmement confortable. Et évidemment, ça pouvait être très valorisant pour les employés. Puis aussi. Oui, ça va. À Ravensbrück. Parce qu'à Maïdanek, ça va être une baraque et ça va être un peu le déclin. Enfin. Mais en fait, comme Ravensbrück est important parce que toutes les surveillantes sont formées à Ravensbrück, elles vont forcément reconnaître ce camp. Juste vers la toute fin, il y avait un peu, c'était très chaotique et il pouvait y avoir qu'il y avait certaines surveillantes qui n'avaient pas fait des formations, mais jusqu'en 1944, c'est obligatoire que chaque surveillante passe au moins 3 mois là-bas. Et donc, surtout pour les premières surveillantes, elles ont vraiment connu un confort de vie assez considérable. Après, il y a l'uniforme. Et là aussi, donc ça, vous voyez, elles ont des bottes, elles ont des pantalons jupes. Donc, parce que pour les SS, c'était quand même, on ne pouvait pas le pantalon, c'était quand même trop progressif pour une femme. Mais donc, on a pris un peu un compromis. Puis évidemment, vous voyez, le tailleur est très très droit. Pourquoi ? Parce que c'est une uniforme de travail qui doit être confortable et protégée contre le vent, contre le soleil, parce qu'il y avait, là je l'ai mis, il y avait chaque surveillante recevait 2 uniformes, une pour l'été, 2 pour l'été, 2 pour l'hiver, donc 2 paires de bottes, une paire de gants, des collants, des chemises, couvre-chef, une tenue de sport et puis aussi des chaussures, en fait, pas des bottes, mais des chaussures plates. Et donc, un uniforme, c'est un habit de travail qui protège contre la nature, mais qui protège aussi contre les collègues. C'est-à-dire, on ne va pas faire un uniforme trop taillé, trop, en fait, trop, on va faire quelque chose de très sobre pour justement avoir un lieu de travail qui incite pas du tout aux relations sexuelles, etc. Donc, et donc évidemment ça correspond pas du tout à l'image de la surveillante que vous allez voir en après-guerre avec des décolletés, avec des... Enfin, mais donc en fait la volonté c'était quand même d'avoir des employés disciplinés et surtout diligents. Donc et je pense que Foucault il a raison qu'on doit prêter attention à toute cette technique qui, on est d'accord, ils vont pas, on peut, en fait après les effets de ces techniques ça dépend des individus et on voit très bien qu'il y a un document administratif où le commandant de camp de Ravensbrück lance un appel aux surveillantes en disant « Bon, c'est interdit de porter les bottes de cuir pour sortir le soir et avec vos robes en soie. C'est interdit aussi de mettre des broches ou des petites fleurs dans votre uniforme. » Il faut, en fait, on voit très bien que les femmes ont plutôt du mal à s'insérer dans cet espace militaire et qu'elles essayent de personnaliser un peu leurs uniformes, ce qui est complètement ce qui est interdit. Donc en fait, et l'uniforme aussi, et là je suis la politologue Paola Dill, l'uniforme a aussi un impact sur, c'est-à-dire avec une uniforme, avec des bottes de cuir, je veux me promener et je veux... mes mouvements vont être différents, ma posture va être différente. Ça va créer un esprit de corps, forcément, parce qu'on porte tous le même habit. Et puis, donc les surveillantes n'ont pas droit aux runes SS parce qu'elles ne font pas partie du clan, mais elles ont donc l'aigle comme signe impérial sur leur uniforme et qui les désigne aussi comme représentant légitime de l'État nazi. Donc en fait, c'est aussi quelque chose de très valorisant. Et puis, évidemment, ces uniformes donnent l'image d'un groupe soudé. Et je pense que, en fait, il ne faut pas le prendre d'une manière trop totalisante, mais ça a des effets sur les acteurs. Et puis, je pense que, puisqu'on parle de classe sociale, pour beaucoup d'hommes SS et pour certaines femmes SS, si on vient d'un milieu populaire où on n'a pas beaucoup d'argent, en fait, les années 40, c'était quand même où il pouvait y avoir qu'une personne possédait uniquement une seule paire de pantalons ou une jupe. Donc avoir un uniforme en tant qu'homme ou femme, ça veut dire aussi être toujours bien habillé et ne pas trop utiliser ses habits personnels et avoir une reconnaissance, un statut social dans sa vie professionnelle et puis économiser donc les habits civils pour la vie privée. Donc en fait je pense que c'est aussi un impact financier considérable qu'on ne peut pas sous-estimer. Donc la question de l'impact ou de l'aura de l'uniforme a été abordée par une autre survivante, donc Margarete Bourgeois-Norman, qui a vraiment aussi décrit que, en fait, une fois qu'elle portait l'uniforme, elle dit en bottes, elle se tenait déjà différemment, et puis les képis sur la tête et les travers sur l'oreille, elles étaient tout de suite plus sûres d'elles. Donc en fait, il y a quand même les habits font le moine. Et il y a une transformation que évidemment on ne peut pas le suivre de près parce qu'on est historien, on n'a pas forcément, on a juste des indices ou des traces, mais si on pouvait par exemple anthropologue observer ce processus, ça serait très très intéressant. Puis, je vais couper un peu. Il reste trois quarts d'heure. Oui. Mais je voulais revenir donc à Majdanek, donc voilà. Donc en fait, on a tout ce confort de vie. Et là, vous avez donc Ravensbrück se trouve ici, près de Berlin. Et un autre point très intéressant, que Ravensbrück, 80 km de Berlin, donc si on a un week-end libre, etc., on peut économiser, on peut prendre le train et aller s'amuser donc à Berlin. Transférer à Majdanek, qui est donc en Pologne occupée, dans le district de Lublin, près de, c'est un banlieue de la ville de Lublin. On est quand même dans un autre cadre, on est dans un cadre colonial qui offre certains avantages. Par exemple, on a une position vis-à-vis de la population locale très élevée. Il y a aussi des primes parce qu'on est embauché à l'étranger. Mais en même temps, on se sent très dépaysé. Et surtout, donc je pense que cette expérience très ambivalente est très déstabilisante pour les surveillantes et ça va accélérer leur violence. Et surtout que Majdanek est aussi un camp très particulier, c'est un camp de concentration et d'extermination. Donc là, je vous ai mis les différentes étapes, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a la destruction par injection. Donc c'est un peu la destruction des malades, la destruction par fusillade, donc là aussi des gens qui sont atteints d'épidémie, aussi ou qui sont liquidés systématiquement comme les prisonniers juifs. Et puis il y a la destruction par gaz qui se fait uniquement pendant un an. En fait, on a donc c'est un camp très à multiples fonctions et très chaotique. Et dans un cadre colonial, donc en fait, on a un peu... donc les chiffres de morts, autrefois on donnait 400 000, et aujourd'hui, les nouvelles recherches ont donné un chiffre beaucoup plus faible, donc 78 000 personnes mortes à Majdanek entre septembre 1941 et juillet 1944, dont 59 000... personnes d'origine juive. Donc évidemment ça fait beaucoup moins que 400 000, mais c'est pas pour autant c'est un chiffre extrêmement significatif et violent parce que en moyenne on peut dire que 1857 personnes mouraient chaque jour. Donc et en fait le grand problème de cette fois c'était les épidémies et donc on avait vraiment comment dire, d'un côté, on avait des avantages parce qu'on pouvait se servir ou voler des choses de la propriété des juifs. On pouvait aussi un peu magouiller, même si c'était assez sévèrement puni. Mais d'autre part, on était vraiment dans un cadre où, par exemple, s'il y a à Majdanek, on avait 17 surveillantes pour 6000 détenus. À Ravensbrück, on avait 110 surveillantes pour 5000 détenus. Donc vous voyez quand même qu'il y a une différence. Et je pense qu'il faut prendre au sérieux le fait que c'est les surveillantes qui ont été transférées de Ravensbrück à Majdanek. Se sentaient très dépaysées et frustrées. Voilà, et donc j'arrive à mon dernier point et aussi peut-être le point le plus fort. C'est-à-dire, j'ai dit qu'en fait on avait en moyenne 20 surveillantes stationnées sur place et entre plus ou moins 900 à 1000 hommes SS, donc pas tout le monde travaillait à l'intérieur du camp, mais beaucoup étaient aussi stationnés de la Waffen-SS qui après était envoyée pour se battre au front. Mais ça reste quand même une population d'hommes extrêmement importante et dominante. Et donc il y avait les rapports entre surveillantes SS et hommes SS travaillant dans les camps étaient pas toujours faciles. D'autant plus qu'à Ravensbrück, elles étaient habituées à être seules, et en majorité, et à Majdanek, c'était juste le camp de femmes était une section à l'intérieur du camp d'hommes, et puis elles avaient constamment à faire avec leurs homologues qui les surveillaient, parce qu'en fait, c'était toujours un homme qui avait un grade plus haut et qui surveillait le travail des surveillantes. Donc en fait, dans les archives, j'ai trouvé un incident, une clash entre deux surveillantes et deux SS, et qui s'est produit le 16 avril 1943, un jour où quelques centaines de prisonnières femmes devaient être douchées. Et parce qu'il y avait une circulation d'épidémie. Et donc, de temps en temps, la SS quand même douchait les prisonnières et désinfectait leurs habits pour essayer de maîtriser ces épidémies. Donc, en fait, le travail commençait très, très tôt le matin, vers 4h30. Et il y avait... Et ce travail, donc... En moyenne, je pense qu'on devait doucher 700 prisonnières ou détenues. Et il y avait d'autres surveillantes qui surveillaient ce processus. C'était Charlotte Wöllert et Anna Feinstein, donc nées en 1919 et 1922, donc des femmes assez jeunes. Donc le numéro 2 du camp, Anton Thumann, lui né en 1912, il vient contrôler ce processus vers 14h30 et il constate qu'il y avait uniquement 400 détenus douchés. Il restait encore presque la moitié, alors qu'entre 15h et 17h, il y avait une réservation pour un bataillon SS qui devait aussi être douché et désinfecter ses habits. Donc en fait, le sous-officier Petrick, qui était censé de superviser cette procédure, devenait un peu stressé. Et donc, quand il visitait à nouveau le processus et l'avancement du travail vers 18h30, il constatait qu'il restait quand même encore des détenus à doucher. Et il s'en prenait un peu aux deux surveillantes en leur disant « Bon, il faut finir le travail, donc il faut faire des heures supplémentaires. Et demain, vous devez quand même sortir avec votre commando de travail. » Donc en fait, c'est des surveillantes qui ont travaillé de 4h30 le matin jusqu'au soir. Donc là, on se place donc à 18h30 quand il vient. Et il constate que finalement, on n'a pas encore terminé. Et donc, à ce moment-là, les surveillants deviennent donc se fâchent et répondent d'une manière, d'un ton très effronté. Et là, je cite, donc elle, c'est Feinstein, était scandalisée et disait qu'elle ne savait pas que le commando horticole devait être prêt pour une opération le lendemain. Elle était uniquement informée du commando culture en utilisant pas mal d'expressions comme « nous ne sommes pas ici dans une école d'handicapés » et « allez vous faire foutre ». Le officier SS, Thumann, était à côté et entendait tout. La surveillante Wöllert s'est montrée également outrée et disait qu'elle n'avait pas connu un tel désordre auparavant au camp de Ravensbrück, en soulignant que sa collègue et elle étaient en service depuis 4h30 du matin. J'essayais de calmer les deux surveillantes, mais elles étaient trop agitées. Donc en fait, ça, c'est un homme, donc le rapport de Heinz Petrick qui fait au commandant. Pourquoi? Parce que les deux surveillantes se sont comportées d'une manière inadmissible, parce qu'elles se sont opposées et elles étaient effrontées. Donc en fait, j'ai trouvé ça assez... Donc il dit un ton sale et effronté. Et j'ai trouvé cet incident assez intéressant, parce que qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, en fait, tout d'abord, les officiers, ils ont du mal à faire face à des femmes qui s'opposent, et que, quand même, quand il dit qu'elles avaient l'air trop agitées, c'est quand même fait recourir à un registre très genré. Et si vous lisez par exemple les mémoires de Rudolf Höss, vous allez voir que sa vision des surveillantes est extrêmement genrée, dans le sens qu'il dit qu'elles sont inaptes, elles sont comme des poules qui courent, etc. Donc en fait, on voit de la part des militaires SS qu'on exclut les femmes et nie toute capacité d'organisation et de travail. Et en fait, c'est aussi ça c'est mon interprétation, une manière, parce que pour les hommes SS, c'était assez difficile d'accepter qu'au sein de la SS, il y avait des femmes qui portaient un uniforme, qui étaient armées. Et donc, le fait de les stigmatiser comme inaptes et comme des poules et des femmes agitées, c'était aussi pour se réserver un espace masculin, militaire, sobre et efficace, alors que les femmes faisaient un peu tout et n'importe quoi. Et puis, évidemment aussi, et c'est presque peut-être plus intéressant, on voit quand même que deux surveillantes, elles n'ont pas froid aux yeux, elles s'opposent à deux supérieurs. Et puis, on pourrait dire qu'avec Altrud, que là, il s'agit d'un compte à soi, d'un acte d'Eigensinn, c'est-à-dire un comportement de rébellion et de résistance qui s'oppose à des demandes ou à des ordres des supérieurs ou à des cadres institutionnels. Alors, ce qui est intéressant avec cet concept de compte à soi, c'est que ce n'est pas pour autant un acte de résistance avec un grand R. Parce qu'en fait, pour moi, ça me montre que d'un côté, elles ont pas froid aux yeux, elles ont une capacité d'agir et elles défendent leurs droits personnels quand il s'agit de s'opposer aux heures supplémentaires, mais elles ne vont pas utiliser ces énergies ou ces capacités d'agir en faveur des prisonnières. Donc, en quelque sorte, ça me dit, bon, il y avait une vraie place pour un conflit, mais si dans l'après-guerre, les surveillantes se présentent toujours comme des subalternes, etc., alors là, il y a une preuve qu'elles ne le sont pas. Il y a un vrai cadre social où il y a place pour une confrontation assez violente et effrontée. Et puis, donc, le sens de soi, c'est très pertinent parce que Lutke ne désigne pas avec cela un acte de résistance pour la bonne cause, mais c'est juste se mettre momentanément à l'écart sans penser aux conséquences et seulement pour son propre bien. Et donc je trouve que ça, c'est un concept qui est extrêmement intéressant dans des cadres comme l'occupation ou en France, etc. Parce qu'on a tendance de classifier des actes de résistance des choses qui sont assez utilitaristes finalement. Et donc j'ai trouvé que la participation politique à ce régime laissait la place pour les usages, des pratiques et des appropriations multiples dont les comptes à soi ou le sens de soi peut être une expression. Et donc, pour conclure, je pense que l'important, c'est de placer donc, les surveillants dans un cadre social et de scruter leur capacité d'agir en tant que subalternes. Et tenir compte qu'ils sont placés dans un champ de pouvoir très complexe. Tenir compte aussi de l'arrivée du premier groupe de surveillantes à Majdanek en octobre 1942, où juste au moment où la mise en place de la solution finale prend son début. Et donc, même si elles n'ont pas personnellement tué dans les chambres à gaz, elles sont quand même complices, rien que par le fait qu'elles soutiennent le régime en travaillant pour le camp et elles vivent côte à côte avec la destruction et qu'elle ne peut pas ignorer. Elle la voit, elle l'entend et elle la sent parce que la chair, en fait, le crématoire, c'est quelque chose qui est quand même qui fait partie de leur univers quotidien. Et puis reste la question, comment articuler la violence classe populaire et genre. Pourquoi? Parce que si on fait de la recherche sur des ouvrières ou sur des, je veux dire, des groupes sympathiques ou des groupes auxquels on peut s'identifier, ça pose moins de problèmes. Mais avec les surveillantes des camps, on a quand même des femmes qui étaient extrêmement violentes, qui ont soutenu le régime et participé au génocide. Et donc, si je mets trop en avant la classe populaire, j'ai risque de les déclarer victimes du système. D'autre part, et aussi, de les sexualiser trop, parce que en fait, si on lit attentivement les témoignages des survivantes politiques germanophones, on voit quand même elles ont du mal à se confronter à des femmes de la même origine et de la même langue maternelle qui sont tellement brutales. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles vont jouer la carte, elles vont insister sur le fait que ce sont des femmes dépravées, des femmes de classe populaire, pas éduquées. Donc vous voyez, si je veux ni déclarer les surveillantes victimes, mais aussi je ne veux pas non plus les sexualiser et jouer trop la carte, parce que je pense qu'on aurait eu la même violence avec des femmes bourgeoises ou des femmes éduquées, docteurs ou académiques. Donc en fait, et c'est très difficile pour moi de l'articuler, et les sociologues me posent toujours la question, comment mettre comment après mettre en relation la violence et classe populaire. Merci. Merci beaucoup, parce que c'est exactement dans nos questions, nos problématiques, nos types de sources, nos types d'institutions. Donc voilà, ça, c'est super, ça me fait penser à plein de choses. Juste sur la dernière.